Là-haut, la prochaine émission, c'est une présentation de MMAnouvelle.com. Pour tout savoir sur le MMA, c'est pas compliqué. Vous vous servez de votre clavier, vous vous rendez sur MMAnouvelle.com. Puis là, s'ouvre à vous une nouvelle vie des jeux, des paris virtuels. Si vous voulez connaître vos capacités, vos connaissances sur le MMA, il y a également des quiz. Tout pour redécouvrir la vie, on vous invite sur MMAnouvelle.com. Bonne émission. Donc, oui, c'est parti, les amis, UFC 107, un compte-rendu, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, mais on vous rappelle, vous êtes dans la Voix des Guerriers, l'émission qui vous parle du sport le plus complet sur Terre, et on parle ici, évidemment, du MMA. Non, on ne vous parlera pas de golf, on vous fera pas à croire que Tiger Woods, c'est le plus grand athlète sur Terre, honnêtement, là. Tiger Woods, il joue au mini-pot, puis il prend une marche en même temps. Le golf, pour moi, c'est pas un sport, là. C'est une activité de plaisance, c'est un jeu d'adresse, mais un sport. Tiger Woods, un athlète, on repassera tant qu'à moi. Ah, Frédéric Lhomme-Nouvelle-Garcia, toujours avec moi pour parler de ce sport magnifique qu'est le MMA. Bonjour Fred. Salut Ken, est-ce que j'étais un peu occupé, j'étais encore en train de compter tous les crédits que j'ai ramassés aux lecteurs en fin de semaine. Vous voyez les Français qui se sont fait laver, je pense. Puis moi, honnêtement, j'ai misé sur Check Congo, mais je pense que j'ai mis juste 50 crédits. Je suis allé de manière plutôt timide. C'est une défaite dure, je pense, pour Check Congo. Ça va le reculer dans le classement. Malheureusement pour lui, il y a deux combats de ça. On le voyait comme aspirant, puis très près d'un combat de championnat. Mais ces deux défaites-là, face à un excellent lutteur, face à un excellent face à un excellent au sol comme Frank Mir, là, je pense que Check Congo recule très bas dans les poids lourds du UFC, malheureusement. Mais je pense qu'on va le revoir au moins à une autre reprise à la UFC. Puis on espère qu'on va pouvoir voir Tiger. D'ailleurs, veux-tu me lâcher, Tiger? Non, t'as-tu t'as Tiger dans la tête aujourd'hui? Ça doit être son problème qui est accroché au sexe, là. T'as-tu un problème similaire, Ken? Non, moi je l'ai dans la tête, mais malheureusement, apparemment, 10 autres femmes l'ont ailleurs que dans la tête. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Tiger Woods, on nous en a trop parlé cette semaine. Moi, honnêtement, Tiger Woods, là, qu'on me parle de lui comme étant un athlète. Oh, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Ça doit être un excellent golfeur, ça. J'ai aucun doute là-dessus. Mais pour moi, le golf puis les fléchettes, c'est la même chose. Là. Je vois aucune différence. Ou les poches, là. Le golf, pour moi, c'est pas un sport. J'ai oublié c'est qui. Il y a quelqu'un de connu qui a déjà dit qu'il y a juste deux sports. C'est la course et les combats. Et le reste, c'est juste des passe-temps. Ouais, ben c'est ça. Ben bon, on en revient à Check Congo. Ben c'est ça, je pense que... Ben j'ai hâte de le revoir, mais honnêtement, je pense que à moins qu'il puisse redonner un nouvel élan à sa carrière, je pense pas qu'il va avoir un combat significatif avec le UFC pour être prêt d'un combat de championnat. Mais je pense qu'il peut encore nous donner des bons spectacles contre des gars qui vont vouloir échanger debout avec lui. Là, il s'est fait surprendre par Frank Mir. Parle-nous de ton appréciation de ces quelques secondes que les deux gaillards nous ont livrées comme combat hier, parce que ça n'a pas duré long, là. Ça s'est réglé au premier round. En quelques secondes, Mir avait déjà étranglé le pauvre Frank Mir. Une guillotine bien placée. Et Check Congo n'a même pas eu le temps de taper. Il était déjà parti. Et je pense qu'il faut féliciter l'arbitre de sa vigilance qui, rapidement quand même, a suivi le déroulement. Je pense que ça aurait pu être un arbitre moins expérimenté, un Jerry Boland qu'on a ici au Québec. Puis ça se peut que jamais que l'arbitre aurait fait quoi que ce soit. Là. L'arbitre était vraiment très vigilant. Là. C'est Herb Dean qui était là. Bon travail de sa part. Et malheureusement, défaite à 1 minute 12. Congo, ben, malheureusement, le français s'est fait servir une véritable correction. Oui, mais je pense que c'est toi sur le forum, tu as laissé un message sur le texte ou ce que tu disais. En MMA, ça peut arriver souvent des combats qui arrivent tellement vite qu'on peut pas vraiment avoir une idée. T'sais, on peut pas regarder le combat puis se faire une opinion autre que Frank Mir a bien sorti confiant puis a battu Kongo. Ça, c'est officiel. Mais je veux dire, le combat a pas rien de significatif point de vue Frank Mir. Oui, il s'est amélioré, mais c'est rien de convaincant. Pour Kongo aussi, il s'est fait prendre debout. Ça arrive. C'est malheureux pour lui. On s'attendait sûrement pas à ce qu'il perde de cette façon-là. Frank Mir, lui, avant le combat, avait dit que il se sentait très confiant debout, puis il a backé ses paroles. Il a réussi à mettre Kongo à terre d'un solide, c'était une gauche, il me semble qu'il a pogné Kongo. Et une fois à terre, Kongo a réussi à se relever, mais Mir avait son coup, puis il l'a mis dans un choke, puis ça a pas pris de temps que c'était la fin. Kongo était parti dans les pommes. Malheureusement, check, je ne sais pas, je pense moi aussi qu'il va avoir une autre chance dans l'UFC parce qu'il y a eu des beaux KO auparavant. C'est un gars que les amateurs aiment bien ou aiment haïr, un ou l'autre. Il y avait quelques huées pour Kongo hier, je pense que les amateurs prenaient pour Mir. Mais je pense qu'on va revoir Kongo dans l'UFC pour un autre combat. Seule chose, il pourra pas se permettre une défaite. Alors ça va être intéressant de voir qui vont mettre devant lui. Si c'est un autre gars expert du sol... Il va falloir que Cech améliore son sol aussi. Malgré que ce soit un coup de poing qu'il l'a atteint, je pense qu'il faut qu'il améliore son sol quand même. Oui, et cette guillotine était vraiment bien serrée. Là. Kongo a tout tenté, mais Frank Mir quand même, et surtout avec ses 20 livres de plus, là, probablement qu'il y avait 10 livres dans chacun de ses biceps là, qui resserraient la gorge de Cech Kongo. Et malheureusement, bye-bye Cech Kongo. Mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir une idée un peu plus précise de l'évolution de Frank Mir et des capacités de Cech Kongo si on aurait eu droit au moins à un ou même deux rounds pour voir comment ça allait se jouer. Mais là, ça s'est déroulé sur l'histoire d'un seul coup de poing. Puis Frank Mir, très opportuniste, qui finit le combat au premier engagement par soumission, comme il l'a déjà fait face à Anthony Hardunk, comme il l'avait fait également face à je pense à voyons, face à Brock Lesnar, ça s'était également terminé au premier engagement lors de leur premier duel. Il a vaincu Tim Sylvia également par soumission au premier round en 2004. Pete Williams aussi avec un beau arm crank là, où ce qui avait tordu le bras. Non, Frank Mir est un excellent gars de jiu-jitsu, ça c'est officiel. Puis avec il a de l'air motivé là, il a mis 25 livres de muscle, au moins 25 livres de muscle parce qu'il pesait quoi 245 avant, mais il était pas mal plus gras, puis là il a de l'air pas mal plus cut. Alors Frank Mir, il a de l'air motivé, il veut une autre chance contre Brock Lesnar. Je sais pas s'il la mérite tout de suite. Je pense qu'une fois que Lesnar va revenir, Carwin ou Velasquez, qui était supposé affronter Lesnar, Carwin, vont affronter Lesnar avant Mir, mais Mir pourrait être pas trop loin avec cette victoire-là. Alors, plus grand-chose à dire, sinon que j'attends avec impatience les résultats des tests antidopage, je pense, qui sont toujours pratiqués par les commissions pour donner des résultats parfois quelques jours après l'événement. On va attendre ça, parce que, oui, Frank Mir... T'as-tu vraiment confiance en les tests, Ken? Absolument. Ah oui. Pour vrai? Moi, je pense que les commissions font leur travail. Puis honnêtement, effectivement, là, je suis pas si crédule que ça. Je suis convaincu que c'est possible de déjouer les commissions athlétiques. Mais je pense que les commissions sont très honnêtes, font leur travail de bonne manière. Puis si on trouve quelqu'un, mais effectivement, que la science avance dans les deux camps, puis bon, en tous les cas. Moi, tant que quelqu'un n'est pas trouvé coupable, j'aime mieux ne pas y aller de propos trop virulents. Mais je pense qu'on peut avoir des soupçons sur Frank Mir. Parce qu'on fait un livre comme ça en quelques temps. Ou bien il a vraiment trouvé la recette qui fait la job. Ou, en tous les cas, allez-y de vos suppositions. Moi, je vais te résumer ça en disant que Frank Mir s'est probablement juste mis sur le même entraînement que 90% des autres gars. Ah non, en tout cas, j'espère que non. Ouais. En tous les cas, moi j'aime mieux croire que non. Puis souvent les tests arrivent avec des bons résultats. Mais moi je pense que honnêtement, il y a beaucoup de combattants qui parfois préfèrent combattre au Japon et tout ça, ou prennent leur temps de pas venir en Amérique tout de suite. Je pense à Alistair Overeem qu'on n'a pas vu cette année en Amérique pour défendre son titre au Strike Force, où il aurait eu probablement, on lui a offert probablement de belles opportunités, a préféré combattre au Japon. Puis là, bon, cette année, devrait venir au Strike Force ici en Amérique. Mais est-ce que ça pourrait être l'une de ces raisons-là? Monsieur décide, bon, cette année, ben, je vais prendre 30 livres de muscle. Puis, bon, on a vu les dimensions qu'a pris Alistair Overeem, là, honnêtement, là. À moins vraiment d'être doté d'une génétique incroyable qui a explosé rapidement comme ça pour on ne sait trop quelle raison. Bon, je pense qu'on a des. On a, en tous les cas, les circonstances pour avoir quelques soupçons. Est-ce que ce serait pas l'une de ces raisons pourquoi on n'a pas vu Overeem en Amérique récemment et qu'il préfère combattre au Japon? Ou là, je pense que là, il a laissé aller, puis là, c'est un peu à la sauce WWF, WWE maintenant, là, où tout le monde est sur des produits illicites. Ouais, bah je sais pas, tu vois, moi j'ai pas la même confiance envers le sport en général. Moi, je suis d'opinion qu'il y a toujours un docteur Frankenstein qui va sortir quelque chose qu'on connaît même pas, qui saura pas comment tester, et il va toujours avoir quelque chose de nouveau pour faire grandir le corps d'un athlète subitement tout d'un coup. Bon, maintenant allons-y avec notre combat qui Le gros combat, là, mon combat. Je comprends Hey, pas pourquoi on n'a vas-y. pas commencé avec celui-là. Non, mais honnêtement, pour moi, c'était le combat que j'attendais avec le plus d'impatience. Puis c'est vrai, j'ai pas suivi l'ordre. Non, là, On a j'étais fait ça pour nos égoïste. lecteurs, nos auditeurs français là, qui voulaient savoir sûrement beaucoup sur Tchèque. Malheureusement, va falloir attendre le prochain combat pour Tchèque. Ouais. Et l'autre combat, là, c'est tout le contraire de Cheick Kongo, là. Cheick Kongo, on peut se dire, bon, ça s'est joué tellement rapidement sur un seul coup de poing, on peut pas vraiment avoir une idée qui était supérieur. Je pense qu'on peut penser, on peut présumer que Frank Mir est supérieur à Cheick Kongo, mais ça c'est pas. Ils ont pas échangé assez longtemps pour qu'on puisse avoir une véritable, je pense, idée. Mais là, dans ce combat-là dont on va vous parler, BJ Penn face à Diego Sanchez, j'étais dans le champ complètement. Je pensais que Diego allait réussir à amener BJ Penn au sol, ce qu'il a tenté de faire désespérément tout au long des 20 minutes et plus que ça a duré, ce combat-là. Mais le pauvre Diego, trop rigide, trop télégraphié, pas assez rapide, pas assez décontracté, a mangé une volée de tout au long, puis c'est à peine s'il a réussi à toucher BJ Penn à une ou deux occasions. Ouais, ben moi j'ai passé mon après-midi avant le gala, j'ai regardé BJ Penn contre Joe Stevenson, puis après ça j'ai regardé Diego Sanchez contre Joe Stevenson. Puis je vais te dire, je me suis senti extrêmement confiant après ça jusqu'au combat, parce que justement dans ce combat, dans ces deux combats-là, j'ai vu la différence de talent. Et justement aussi le premier coup que Sanchez a lancé, je me suis dit, il est télégraphié, il est pas assez rapide. BJ Penn a des mains beaucoup trop rapides. Je sais que je pense que tu donnes pas assez crédit à BJ Penn, mon Ken. BJ Penn a des mains excellentes, il bouge super bien dans la cage. Et il a tout simplement battu Sanchez en étudiant, je pense, son adversaire, parce que Penn semblait savoir toutes les attaques qui allaient venir. Il prédisait, il contrait sans problème. Et tant qu'au takedown de Sanchez, ben c'était pas très beau à voir. À un moment donné, je me suis dit, Georges St-Pierre doit être en train de rire à regarder la technique de takedown que Diego nous montrait, parce qu'il y a une couple de tentatives là qui n'étaient pas très élégantes. Ouais, ben à un moment donné, c'était désespéré, là. On comprendra qu'il était allé, je pense, techniquement au début, mais à un moment donné, il a bien vu après 2-3 rounds que rien donnait, puis là, il essayait à peu près n'importe quoi. Mais effectivement, Diego Sanchez, je pense que ça nous prouve que Georges St-Pierre est vraiment à un niveau incroyablement supérieur. Vous l'avez vu détruire BJ Penn d'une manière assez retentissante, Georges St-Pierre, une machine. Bon, évidemment, la force musculaire de Georges St-Pierre, mais également la technique qu'il a en lutte, beaucoup plus créative peut-être également que Diego Sanchez. carrière là, au moins, je pense qu'il a démontré qu'il a essayé tout au long du combat. Aurait pu se dire à un moment donné, après 3 rounds, ben écoute, ça marche plus, puis je vais essayer d'échanger debout. Puis probablement que BJ Penn aurait terminé le combat encore plus rapidement. Mais Sanchez a pas vraiment quitté son plan de match, sauf qu'il avait pas, il avait peut-être un bon plan de match, mais il n'avait pas les qualités d'athlète pour pouvoir faire en sorte que son plan de match puisse réussir. Puis je pense qu'il y a, peu importe le plan qu'il aurait eu hier soir, Diego avait rien, mais alors là, rien pour rivaliser avec la fluidité de BJ Penn. Tu vois, Sanchez, je pense, a besoin d'améliorer beaucoup son stand-up. Je pensais qu'il était amélioré plus que ça. Il m'a déçu dans cet aspect-là. Justement, comme je disais, les coups étaient télégraphiés, il était pas rapide. Pourtant, dans d'autres combats, il m'avait semblé un peu mieux en stand-up. C'est un gars qui est surtout avec une base de lutte. Comme tu as dit, Sanchez a du cœur et je t'en ai parlé dans les derniers jours un peu. Moi, j'aime beaucoup la confiance que Sanchez a en lui, malgré que je pensais pas qu'il avait une chance face à BJ Penn. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que il a une confiance en lui, il a un but, il veut l'atteindre. Et je pense que une défaite de même, il va juste revenir plus fort. Sanchez, c'est pas un gars qui est faible mentalement. Et je pense qu'il va apprendre, ça va prendre après la raclée qu'il a mangée, il va falloir qu'il gagne plusieurs combats pour mériter un autre combat face à BJ Penn. Mais on va le revoir dans des gros combats. Puis tranquillement, Sanchez, je pense qu'il va revenir assez haut dans sa carrière va continuer à bien évoluer. Oui, assurément. Et BJ Penn demeure champion du UFC à 155 livres. Il a réussi ça à 2 minutes 37 du cinquième engagement. Un coup de genou, je pense, qui a charcuté le Un pauvre. coup de jambe, le tibia dans le front qui a coupé, il me semble, c'était finalement à la reprise, ils ont montré. Ah, OK. Ben, ouverture béante et l'arbitre, plutôt le médecin, a pas eu le choix d'arrêter la boucherie. De toutes les manières, Diego s'en allait nulle part. Alors, une belle victoire de BJ Penn. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un au UFC ou même ailleurs pour offrir un combat intéressant à BJ Penn? Parce que là, honnêtement, moi, je pense que Diego, c'était le meilleur au UFC après BJ Penn à 155. Là, je vois personne. Regarde, il y a deux noms en ce moment. Je pense c'est Frankie Edgar puis Gray Maynard. Et moi, je vais te dire qu'entre les deux, ça serait Frankie Edgar, même si Gray Maynard a déjà battu Edgar. Seule chose, je pense pas que Edgar peut apporter quoi que ce soit à peine. Edgar a un meilleur stand-up que Diego, bouge mieux, mais rendu là, Penn est plus gros et Penn va utiliser sa force face à Edgar. Alors, je vois pas ça non plus être un meilleur combat. En dehors du UFC, ben il y a toujours Shinya Aoki qui serait intéressant, mais encore une fois, Aoki, il réussirait-tu à amener le combat au sol face à Penn? Je ne le sais pas. Puis même s'il réussit à amener le combat au sol, ben Penn est excellent au sol aussi. Et debout, ben ça serait pas non plus un combat. On a vu Aoki qui contre Sakurai, contre d'autres personnes debout, il y a des lacunes à Aoki, alors je pense pas non plus qu'il serait vraiment une menace à BJ Penn. Alors à 155 livres, BJ Penn, pour moi, c'est le roi en ce moment. Avec ça dit, ça va être sûrement Frankie Edgar, moi je prédis le prochain à avoir une chance vu qu'il est sous contrat puis qu'il a une bonne séquence. Eh bien, ça c'est pas fabuleux, ça. La BJ Penn demeure le roi et maître de la catégorie. Et gageons qui ne va pas se risquer un autre saut à 170 livres parce que Ah, quand même, je dirais Georges. pas ça tout de suite. Je dirais pas ça tout de suite. D'ici un an, moi, je te prédis que BJ Penn retourne à 170. Ah oui, pour affronter qui? Est-ce que tu penses que Tout simplement parce penses-tu que BJ sincèrement que BJ Penn aurait envie de rentrer encore dans une cage avec Oui. l'animal qu'est Georges Saint-Pierre? Ah oui, BJ Penn, c'est un animal lui-même, il accepte pas une défaite. Non, c'est pas. Regarde, je dis pas que BJ Penn gagnerait. D'après moi, Saint-Pierre est supérieur. Mais BJ Penn, l'homme en tant que tel, est quelqu'un qui accepte pas la défaite. Quand il a perdu contre Jens Pulver, il voulait ce rematch-là. Et tout court, c'est un gars qui veut. Il en veut une chance contre Saint-Pierre. Il l'a mentionné un peu, pas beaucoup. Et m'a dit, moi, l'affaire, c'est qu'il y a personne. Il y a rien. Genre Saint-Pierre contre Dan Hardy le prochain, OK. Après ça, peut-être Koscheck. Et pendant ce temps-là, Penn peut affronter Edgard. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien des deux bords. Alors, oui, tu peux générer de la tension avec un troisième combat, Penn-Saint-Pierre. C'est peut-être de la fausse publicité, là, du marketing poussé, mais je pense que tu peux générer beaucoup plus d'attention avec un combat de même que quoi que ce soit dans les deux autres divisions. Bien, moi, je pense, honnêtement, là, ce serait... Georges est tellement BJ supérieur à... Penn contre Georges St-Pierre au stade olympique, là, 50 000 personnes. Bah, je suis pas dans honnêtement là, BJ, moi je suis sûr que dans son fort intérieur, il a pas envie là. Le dernier combat là, il a abandonné, il a pas eu envie de remonter dans ouais, la cage mais après l'engagement. Je pense qu'il l'a dit à son frère, puis lui il l'a dit à l'arbitre, il était plus capable là. Oui, non, ce combat-là, il s'est fait battre, ça c'est officiel. Mais BJ Penn, l'athlète, est pas un gars qui accepte les défaites, justement. Il veut avoir une autre chance. Même s'il reperdrait une autre fois, il en voudrait une quatrième chance, sûrement, face à Georges St-Pierre. C'est le genre de gars qui accepte pas, justement, qu'il y ait une défaite face à quelqu'un. Il veut sa revanche, ça je suis convaincu. Ah, peut-être. Moi, je pense qu'il a peur de Georges, et avec raison. Bon. Bon, peut-être, là, on a un gars qui va réaffronter BJ Penn dans le prochain combat. Il s'agit de Kenny Florian, qui est pas mon préféré, honnêtement. Mais hier, là, est-ce que c'est le Tristar qui a porté ses fruits? Parce qu'on a vu un Kenny Florian beaucoup plus incisif et, découper le pauvre Clay Guida. Une belle victoire de Kenny Florian. Oui, ça s'est fini au second round et au second engagement, il me semble, hein? Oui. Ouais, c'est ça. Mais au premier engagement, j'ai pas beaucoup aimé, moi, Florian. Il semblait nerveux un peu. Ça, il a pris du temps à pogner confiance. Mais avec ça, dit Guida, lui, est pas très fort debout. Florian a réussi, comme tu dis, à le décortiquer. Après, il a pogné confiance, puis sa boxe, surtout, je trouve que a dominé Guida dans le deuxième round. Et Guida aussi avait toute une coupure sur le côté de la tête, là. On l'a vu pendant entre le premier puis le deuxième engagement, où quand l'arbitre l'a arrêté, on a vu la coupure qui était vraiment pas belle à voir, encore une fois. Alors, beaucoup de sang qui a coulé hier à l'UFC 107. Oui, mais là, Florian, là, sa lutte m'a impressionné. Je pense qu'il est plus fort physiquement. Est-ce que c'est un peu grâce à l'équipe de Montréal, le Tristar, on a vu Firas Zabi dans son coin. J'ai bien hâte de voir Kenny Florian, qui me semble avoir progressé dans la prestation que j'ai vue hier face à Clay Guida. Clay Guida, c'est un gars solide, un gars que, bon, oui, il a 11 défaites maintenant sur l'actif. Mais c'est rare qu'on a vu Clay Guida perdre de cette manière-là. Je pense que c'est la première fois qu'il perdait comme ça par aussi drastiquement dans ses derniers combats. On l'a vu perdre effectivement face à Diego Sanchez, mais c'était par décision partagée. Oui, il s'est fait soumettre par Roger Huerta, mais quand même. Donc, je pense que c'est une belle performance de Kenny Florian, puis que j'ai trouvé. Ça m'a impressionné, honnêtement, là. Moi, je pense que Florian, il a juste besoin de quelqu'un pour lui donner de l'aide à avoir de l'air plus méchant. Il a de l'air trop gentil. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais, il y a peut-être une nouvelle coupe de cheveux, quelque chose d'un peu plus dangereux, là. Ça ferait pas de mal. Alors, avant ça, là, on est rendu. Est-ce qu'on. Ben, là, à peu près toutes mes prédictions. Ça a vraiment pas bien fonctionné hier, honnêtement. Oui, en passant, je voulais te dire merci de m'avoir convaincu d'aller vers Guida. Ouais. John Fitch face à Mike Pierce, j'ai eu peur. Hein. Un autre round, puis je suis pas sûr que Pierce elle ait pas renversé la vapeur. Et j'avais mis beaucoup sur John Fitch, mais honnêtement, c'est une belle victoire, mais pas trop convaincante. Et John Fitch, je pense qu'il va rester l'éternel second. C'est un gars qui il est bon dans à peu près tout, mais il est pas assez explosif, on dirait. Il a pas cette petite touche qui fait en sorte qu'il peut passer de très bon à très très bon. Oui, ben justement, tu sais, on en parlait dans le pré-UFC 107, l'émission. Je te disais ça, moi, que je voulais une victoire impressionnante, puis je te demande là en ce moment, qui tu voudrais après Dan Hardy, Koscheck ou Fitch, qui devrait passer à avoir une chance en premier entre les deux? Ah, difficile à dire. Je Sur pense que... papier, Fitch la mérite parce que là, sa seule défaite est contre Georges St-Pierre et Koscheck, lui, a perdu contre Thiago Alves, il a perdu contre Paulo Thiago. Mais Koscheck a plus l'aspect flamboyant, plus le show pour amener un combat plus intéressant, je pense, que Fitch. Malgré que Fitch, techniquement, c'est ça, il est excellent, c'est juste que il manque ce petit côté là, excitement, amener la foule à applaudir puis tout là. Ouais, ben, tout à fait d'accord. De toutes les manières, je pense que quand je sais qu'il y a une rencontre à nouveau avec Paulo Thiago pour venger sa défaite surprise avant. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Puis après ça, à 170 livres, je pense que le UFC aura pas le choix d'essayer de dénicher des nouveaux talents ailleurs, au Japon, dans d'autres organisations. Puis il y a tellement, ce sport-là est rendu tellement populaire qu'il va y en avoir bientôt des combattants intéressants qui vont pouvoir donner la lourde tâche à Georges. Oui, puis si on passait à un de mes combats préférés, là, Ken, je sais que tu t'as adoré là, le show que Stephen Struve puis Paul Buontello nous ont donné. C'était beau, hein? Oh, c'est ordinaire, mais c'était ma prédiction, Gisèle, et encore une fois. Si vous avez écouté ma voyante Gisèle, vous êtes allé chercher le pactole, c'était très intéressant. Mais honnêtement, là, qu'est-ce que c'est ça? Et Stéphane Struve, là, 6 pieds 11, mais il est lent, aucune résistance physique, pas vraiment de cardio, s'est fatigué rapidement, et malgré tout, il a gagné son combat. Tu vois, moi je te trouve dur, je l'aime Stephen Struve, je sais que c'est pas un top 10, pas un top 20 en ce moment, mais à 21 ans, ça doit être le fait qu'il est grand et lancé. Mais c'est ça, je trouve que il amène un aspect intéressant dans le combat. La seule chose que j'ai vue, moi je me suis dit à un moment donné, finalement la boxe de Buontello est peut-être pas aussi bonne que je pensais, parce que Dos Santos, lui, a trouvé les failles dans Struve que Buontello a pas été capable de trouver. Il essayait de rentrer avec des crochets ou je sais pas. Puis en même temps qu'il attaquait Buontello, il se faisait frapper souvent par Struve avec sa longue portée. Struve, en même temps, il s'est amélioré quand même. J'ai vu une amélioration de son côté. Puis me dire, moi, quand je le vois bouger là avec deux pas, il fait toute la cage. Je perds pas confiance en lui. J'espère qu'il va aller s'entraîner avec Frank Mir un peu, prendre du muscle. Puis Struve va être là une force dans quelques années. Là, là, là, là, là. Non, mais ça a été un drôle de combat. Ça a été un combat quand même divertissant, là. Ça a été un combat correct, quand même, comme entrée, Le là. troisième round a été un peu plate, là, il n'y avait plus d'énergie. Puis je pense que Struve, justement, au premier round, quand il avait ses grandes jambes autour de la grosse bédaine à Buontello, il a drainé beaucoup d'énergie. On pouvait voir Buontello faisait tout pour survivre. Il avait le menton collé là, sur son ventre pour pas se faire prendre dans un choke. Alors Buontello a donné pas mal d'énergie dans le premier round. Puis par Ouais, après, ben, il manquait de gaz, je pense. ouais, ben, je suis pas sûr. Je pense que se trouve à déployer au moins autant d'énergie à tenter de soumettre Montello. Puis Montello a été calme, a bien joué, mais le pauvre Stéphane Struve aurait eu l'occasion de marteler Montello de coups. Lorsqu'il était dans son dos comme ça, il a essayé pendant 3 4 minutes à le soumettre. Ouais, il aurait dû le finir. Profites-en, là, donne-lui des claques, puis le gars, il va se protéger des claques, puis là, tu vas avoir une opportunité pour le soumettre. Mais à ce niveau-là, surtout avec les gants, ça peut être tannant. Il n'y a pas d'espace nécessairement pour rentrer ta main, ça peut être un peu plus compliqué, mais il faut que tu profites du sport pour le marteler de quelques coups, l'engourdir, puis après ça, il va te le donner gratuit, l'étranglement arrière, mais se trouve... a pas eu cet éclair de génie-là, mais on peut peut-être lui donner ça sur son compte... de la jeunesse, il a 21 ans. Il va encore, je pense, nous faire rire dans les prochains combats, mais lorsqu'il va rencontrer quelqu'un qui frappe Montello, c'est un gars qui a un bon menton quand même. On l'a vu là, caisser quelques claques, mais il se trouve peut-être pas beaucoup de puissance de frappe. Montello a de la bonne force dans ses mains, mais lorsqu'il se trouve va rencontrer quelqu'un qui frappe vraiment très très lourd, Il va se faire endormir rapidement. Ah, ben, il en a pris des bonnes hier, en tout cas, je trouve, là, justement, la reprise qu'on voyait quand il a sauté, puis que Buentello l'a ramassé là, d'une solide droite. Il est revenu à lui assez vite, puis aussi, il y a une couple de séquences, là, comme je te dis, moi, c'était pas le combat le plus beau techniquement, puis le troisième round a manqué beaucoup d'énergie, mais le reste du combat, j'ai beaucoup aimé, moi, en tant qu'amateur des deux gars, que j'aime bien les voir dans le ring, puis en plus de ça, on a eu la chance, comme t'attendais depuis des semaines, d'entendre la super chanson de Buentello, alors je suis sûr que tu dansais dans ton salon pendant l'entrée. Oui, j'ai eu envie, c'était, non, honnêtement, ça, c'est la seule raison, je pense, qui ferait en sorte pour moi que on pourrait donner une seconde chance à Buentello au UFC. Mais puis à part ça, là, hier, honnêtement, c'était pas une prestation de poids lourd. C'était drôle. C'est un combat drôle et divertissant, mais sans plus. Écoutez, si 60% du monde veut Kimbo Slice encore dans l'UFC, là, moi je veux Stephen Struve puis Buentello. Puis mettez Kimbo contre un de ces deux-là. OK, bon, allons-y avec les premiers combats qu'on n'a peut-être pas tous vus, rapidement pour certains, puis ceux qu'on a eu l'occasion de voir, on ira avec un peu plus de détails. Vous rappelez que le premier combat de la soirée, c'est un Canadien qui a remporté le duel face à Kevin Burns. Burns avait perdu face à Anthony Johnson il n'y a pas si longtemps. Eh bien, TG Grant a su se relever de la défaite qu'il avait encaissée au UFC face au Coréen Dong Hyun Kim. Et cette fois-ci, il remporte la victoire. 4 minutes 57 de la fin du premier engagement. TG Grant de l'Est du Canada qui va chercher une importante victoire pour lui. En plus de ça, récolte le chaos de la soirée grâce à cette belle victoire. Par la suite, à ça, c'était un combat à 170 livres. Un autre duel à 170 livres, un combat qu'on a également vu et qui a récolté cette fois-ci la soumission de la soirée. Il y en a eu quand même quelques-unes hier au UFC 107. C'est DeMarquez Johnson qui réussit à soumettre Edgar Garcia. Garcia a commis une erreur et il en a payé cher la note puisque Anthony Johnson a réussi à lui donner un coup de pied alors que DeMarquez était le dos au sol. Un coup de pied qui atteint Garcia qui était debout tant qu'à lui et qui s'apprêtait à rentrer dans la garde de DeMarquez. Et rapidement, il a réussi à profiter de la somnolence que son coup a produit sur son rival et tout de suite a transféré ça en étranglement triangulaire et une belle victoire où on a vu quelques échanges debout au début du premier round assez spectaculaire, mais encore une fois c'est pas le deux grands techniciens. Ça c'est le combat où ils se sont donnés comme un la main là, à quelques reprises. Ouais, DeMarquez Johnson à un moment donné a invité son ami, claque dans les mains, jouait le rôle un peu de pop. Mais tout de suite après ça, il en a mangé une. Ça c'est Garcia justement. C'était intéressant comme combat. C'était entertaining. Il y avait du show. Dans un combat que j'ai pas eu la chance de voir, il y avait deux Brésiliens, dont un, je pense, qui est rendu en Finlande, Lucio Linares, si je me trompe pas, il est rendu là. Alors que Rusipar Palares, qui a réussi toute une clé de bras peut-être un an ou deux, là. Je me souviens, mais là, j'ai oublié le nom de son adversaire, là, mais c'est Ivan Salaveri, je pense, c'est une clé de bras vraiment magnifique. Eh bien, Rusipar Palares réussit à remporter le combat par soumission, clé de talon à 3 minutes 21 du deuxième engagement. Ça, c'était à 185 livres. Et on revient à 170 livres. Joni Hendricks remporte un deuxième combat dans le UFC. Cette fois-ci, face à Ricardo Fudge. Le premier duel qu'il avait eu dans le UFC, c'était face à Amir Sadola. Il avait terminé rapidement au premier engagement. Cette fois-ci, ça s'est rendu à la décision. 30-27, 30-27, 30-25. C'est la décision des trois juges. Tous en faveur, évidemment, de Joni Hendricks. Matt Women face à Shane Nelson. Women qui l'emporte par décision unanime. 30-27 pour chacun des juges. Maintenant, un combat qui se devait être à 185, mais en fin de compte, c'était à 195. Alan Belcher face à Wilson Gouveia. Uppercut qui touche la cible. Et Belcher finit le combat par la suite. Victoire par TKO de Belcher. 3 minutes 03 du premier round. Ça conclut pas mal. Pour ça, on vous rappelle quelques chiffres sur ce UFC-là qui a eu lieu, je vous rappelle, hier, c'est-à-dire hier, on était le 12 décembre 2009, au Tennessee, Memphis plus précisément, au FedEx Forum, près de 14 000 personnes, 13 896 personnes plus précisément, pour des gains au guichet de 1 500 000 $. C'est pas énorme, mais quand même, c'est mieux que rien. Et pour le combat de la soirée, bon, on en a déjà fait part, mais on va se rafraîchir les idées. Alan Belcher face à Wilson Gouveia, le combat de la soirée. T.J. Grant, le knockout de la soirée. Et la soumission de la soirée de Marquez Johnson. Tous les noms que je viens de vous mentionner, en plus de leur cachet pour leur combat respectif, ils vont chercher un petit 65 000 $ de plus. Oui, peut-être en finissant, je sais pas si... Comment t'as réagi à certains des huées de la foule? Moi, j'ai été déçu, en tout cas, surtout dans la décision quand Struve a été nommé gagnant. Et à différents moments, il y a eu quelques huées que je trouvais n'étaient pas méritées, peut-être. Ouais, ben c'est toujours comme ça aux États-Unis. Dès qu'il y a du combat au sol, on a vu Struve au premier engagement. A passé 3-4 minutes également, tenté de soumettre son adversaire. Les gens, on dirait, ils aiment pas voir le combat au sol. Honnêtement, je sais pas ce que les gens veulent. Ils veulent deux gars qui se frappent comme des déchaînés pendant leur combat là, à grands coups de poing sur la gueule, mais sans technique. C'est ça que les gens veulent souvent. Je dis pas tout le monde, de plus en plus, je pense qu'il y a de véritables adeptes de ce sport-là, de la technique dans les arts martiaux, mais pas plusieurs. On va là, on s'assit, puis on veut voir deux gars s'arracher la tête à grands coups de poing, sans technique, mais c'est plus rendu ça, ce sport-là. C'est vraiment rendu un sport de technicien. C'est un sport où, dans chacune des phases du combat, les gars sont rendus des spécialistes. Là, c'est plus des David Tank Abbott qui sont là puis qui garochent des coups de poing comme ça, avec des crochets larges. Puis gagne ou perd, mais donne tout un spectacle. Là, il y a du bon spectacle, mais ça prend, je pense, une base de connaissances de ce sport-là. En tous les cas, c'est vraiment rendu des fins techniciens. Oui, non, t'as raison, le sport a grandement évolué. On le voit ici avec Georges St-Pierre et tout le monde, BJ Penn, tout le monde. Ils ont pas le choix de continuer à s'améliorer. Puis ça me fait juste imaginer que dans 10 ans, 15 ans, le sport va être incroyable. Oui, effectivement. Là, on est rendu déjà à notre première pause. Et là, j'ai besoin d'aller boucher. Ça va pas bien. J'espère que ma voix est pas trop nasillarde. Peut-être qu'elle l'est déjà avant, fait que ça changera pas grand-chose. En tous les cas, petite pause. Vous, on vous donne une petite musique. Et Fred, probablement un petit café. Et on revient après la pause pour vous parler de je sais pas trop quoi. Mais on va trouver de quoi parler. Il y a plein de choses qui vont se passer dans la prochaine semaine. Il y a un événement de la WEC et également de la Strike Force. Ce sera probablement ça. Restez là. Eh oui, on est de retour. Vous écoutez toujours La Voix des Guerriers qui vous invite à jeter un coup d'œil régulièrement sur MMANouvelle.com pour vous tenir informé, évidemment, de ce beau sport qu'est le MMA. Et puis également pour écouter de temps à autre nos entretiens, parce qu'on s'est donné ça comme défi depuis quelques temps, de faire des entretiens avec des personnes du milieu du MMA ou autour des arts martiaux. Et d'habitude, ça donne, en tout cas pour nous, c'est vraiment intéressant. On en apprend davantage, puis on l'espère que c'est le cas également pour vous. Alors, maintenant, c'est l'heure où on va en apprendre grâce à l'homme nouvelle, Frédéric Garcia, qui va nous apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine dans le beau milieu du MMA. Mais avant ça, peut-être quelques résultats que Fred pourrait nous tenir informés sur un événement, évidemment, qui était moins intéressant, moins attendu que le UFC qui s'est déroulé hier soir. Mais quand même, il y a des personnages connus, puis on veut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir. Alors Fred, parle-nous de Bitetti Combat, qui a eu lieu au Brésil avec quelques-uns des Brésiliens que les amateurs affectionnent. Oui, le gala avait lieu avant l'UFC 107. Les résultats sont sortis assez vite. Paulo Filho a remporté une victoire par soumission sur, je vais maganer son nom, là, c'est Tatsuhiko Nishizaka. Et Murilo Ninja Rua aussi a remporté une victoire, lui, par TKO au second round. Contre Jason Jones, que je connais pas vraiment, là, ça me dit rien. Alors, c'est ça, les deux Brésiliens ont gagné dans leur pays natal. C'est ce qui a dû faire plaisir aux amateurs locaux du coin. Oui, ben effectivement, alors on les félicite. Et malheureusement, dans le cas de Murilo, c'est vraiment rien comme son frère. C'est un gars correct, le fun à voir, spectaculaire parce qu'il aime échanger coup pour coup. Mais dans ses derniers combats, prouvé que il avait la mâchoire de plus en plus fragile et face à des gros frappeurs, il a un peu de difficulté. Et dans le cas de Paulo Filho, lui, on sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête. Oui, exactement. Moi, je pense que Mauricio est aussi un meilleur athlète que Murilo Rua. Mauricio a de l'air d'un meilleur athlète. Murilo n'a pas de l'air d'un si bon athlète que ça non plus, je trouve. Ouais, effectivement, juste à l'œil, on s'en aperçoit rapidement. Ben, je vais en profiter pour vous glisser quelques résultats qui ont eu lieu également hier soir, c'est-à-dire le samedi 12 décembre. C'était à Gatineau, un événement de Rouek MMA. Il y a quelques noms qui peuvent vous intéresser, dont Fabio Alanda, le monsieur de BTT Canada. Ça, c'est le gars de Jujutsu qui entraîne les gars chez BTT Canada, dont Patrick Côté notamment. Eh bien, hier, il combattait à nouveau, lui qui avait été chercher une victoire récemment en 2009. Cette fois-ci, ça s'est mal passé pour Fabio Alanda, puisqu'il s'est fait battre par Sean Pearson au premier round, si je ne me trompe pas. Combat que j'ai pas vu, alors c'est juste un résultat que je voulais vous tenir informé. Je crois également que Yannick Galipo a subi un autre revers. Lui qu'on voyait gros au début de sa carrière, après ça on l'a pas vu pendant un petit instant. Et là il a subi une autre défaite par clé de bras. Alors, c'est tout ça là, pour le Rouek MMA, qui n'était pas nécessairement un gros événement, mais quelques noms intéressants. Mais je vais vous faire grâce de tous les combats qui ont eu lieu, parce que malheureusement, pour la majorité de nos auditeurs, ça peut ne pas vous intéresser. Alors, on y va avec les grosses affaires. Fred Garcia, il sort vraiment la marchandise lourde. UFC 108, là, on sait plus, on est tout mélangé. Il y a eu des blessures, on est tout fourré. Parle-nous un peu du UFC 108 qui va avoir lieu incessamment, évidemment, le 2 janvier. Parce que du côté du UFC, c'est terminé, je pense, pour l'année 2009 et on repart ça en 2010, dès le 2 janvier, UFC 108 qui aura lieu, évidemment, à Las Vegas. Ouais, ben, on va toucher du bois, là, parce que je pense qu'avec la malchance de l'UFC 108, toi ou moi, on va avoir une extinction de voix pour faire l'émission pré-UFC 108. Parce que l'UFC 108, tout le monde semble tomber un à un. Le dernier à tomber, c'est Carlos Condit, qui pourra pas combattre contre Paul Daly. Dustin Hazlett a pris sa place. Et il y a aussi Tyson Griffin qui est tombé cette semaine au combat. J'ai oublié c'était quoi sa blessure à Tyson, mais en tout cas, Tyson Griffin pourra pas compétitionner contre Jim Miller. À ce qui paraît, ça va être Sean Sherk qui va prendre sa place, mais ça n'a pas encore été confirmé, ce combat-là. Dustin Hazlett contre Paul Daly, ça a été confirmé. Et aussi Junior Dos Santos contre Gilbert Iville, ça a été aussi confirmé. Alors, l'UFC 108 qui se retrouve avec beaucoup de blessures. C'est vrai, il y a aussi Rory Markham qui s'est blessé hier. J'ai oublié de rajouter celui-là à la liste. Ben c'est quand même, je trouve qu'on perd pas au change là. Dustin Hazlett, il va être très intéressant de le excusez, de le voir affronter Paul Daly. Honnêtement, j'aime mieux cette confrontation là. Pas rien que j'aille contre Carlos Condit, mais Hazlett, je le trouve plus intéressant à voir à l'œuvre. Ouais, Carlos Condit est un bon combattant quand même, j'aurais aimé ça le voir. Mais ouais, Dustin Hazlett, moi, avec ses soumissions, il fait partie de mes combattants préférés, je dirais même. Si on passait peut-être, Ken, à l'UFC 110 puis 111, une couple de petites nouvelles rapides. L'UFC 110, ça va être en Australie et tous les billets ont été vendus en une seule journée là, pour le gala en Australie. On ne sait pas encore exactement la carte de combat, mais ça devrait être Antonio Rodrigo Nogueira contre Cain Velasquez, puis Michael Bisping contre Wanderlei Silva, les deux gros combats. Puis l'UFC 111, lui, ça va être le 27 mars finalement à Newark au New Jersey, puis ça va être Georges St-Pierre contre Dan Hardy. Et on devrait aussi avoir Frankie Edgar et Ricardo Almeida qui sont du New Jersey qui devraient combattre sur cette carte-là, on nous a dit. Eh bien, hey, cette carte-là là, qui nous prépare en Australie, pas piqué des verres. Hein. Nogueira face à Velasquez, Silva face à Bisping, Mirko Krokop qui pourrait être là pour affronter Ben Rothwell, Keith Jardine, il y a les rumeurs contre Ryan Bader. C'est une carte quand même... qui risque d'être très intéressant en Australie. Puis évidemment, on va ressortir les Australiens là, de là-bas. Je pense Elvis Sinosic, qui est un gars originaire de là, pourrait faire un retour UFC lors de cette occasion-là. Puis probablement deux, trois autres Australiens qu'on va dénicher pour évidemment combler les spectateurs australiens. Oui, oui. Et là, si on passait vers Strikeforce un peu, Strikeforce a signé Bobby Lashley. Tu connais-tu Bobby Lashley? Ouais, je le connais de nom, puis évidemment, on l'a suivi parce que c'est, je dirais, le Brock Lesnar noir. Ouais, Brock Lesnar numéro 2, on va l'appeler comme ça. C'est ça, Bobby Lashley signe avec Strikeforce, un contrat de plusieurs années, alors on va voir. Moi, j'ai pas été impressionné avec Lashley. Il a remporté toutes ses victoires, mais c'est surtout que c'était contre du monde pas vraiment de niveau. Alors là, avec Strikeforce, j'ai hâte de voir contre qui qu'on va le mettre. J'espère que il est pas prêt pour Fedor, ça je suis sûr. Mais j'espère qu'on va le mettre tout de suite contre un gros, que ça soit un Verdum ou peu importe, qu'on le teste un petit peu. Oh, ouais, c'est ambitieux quand même. Mais le gars, il a quoi, 3-4 combats d'expérience. Je pense qu'il peut se permettre d'aller chercher des combattants, mais pas nécessairement parmi les meilleurs au monde, là, mais effectivement, peut-être un nom un peu plus significatif, parce qu'un des gars comme Bob Sapp, qui a été, je pense, son dernier adversaire, là, oui, c'est un nom qu'on connaît, mais Bob Sapp n'est pas un combattant de MMA, là, c'est une bête de cirque. Ouais, c'est ça, mais même les autres aussi avant, il y avait Jason Guida, puis Mike Cook, je pense, ça n'avait pas été des gros combats, c'était... Bobby Lashley était trop fort. Il y a aucun doute que Bobby Lashley est un excellent athlète, puis il a une bonne lutte, il a une base en lutte collégiale. Alors, c'est temps qu'il se fasse tester un petit peu. Ouais, non, je suis d'accord avec toi quand même, là. Ça nous prend... un gars vraiment établi en MMA. Alors, si on continue avec Strikeforce, leur grosse signature, sauf ça a été Dan Anderson, eux autres, cette semaine. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est assez gros, quand même. Ouais, je pense que c'est bon pour le sport. C'est bon pour Strikeforce, évidemment. Puis le UFC ne va pas nécessairement souffrir de ça. Ils ont tellement d'autres bons combattants. Je pense que tout le monde grandit un peu de ça. Mais là, qu'est-ce qui va se passer avec... est-ce que j'ai bien lu quelque part que Dan Anderson ne détesterait pas affronter Brock Lesnar, Fedor Emelianenko? Ouais, mais moi j'y crois pas, comme j'ai dit. Pour moi, Il y a tellement d'affaires qui doivent tomber à point pour que ce combat-là arrive. Faudrait premièrement que, parce qu'on dirait que Dan Anderson va se battre à 185 livres contre Jake Shields. D'après moi, Dan Anderson devrait sortir gagnant. Mais après ça, il y a un combat qui l'attend sûrement contre Musashi. Et il va sûrement avoir d'autres combats avant qu'on le mette contre Fedor. Alors, il faut tellement que d'étoiles s'alignent pour que ce combat-là arrive que j'y crois pas pour tout de suite. Ouais, ben j'espère que ça arrivera jamais. Là. Si ça arriverait, ce serait une catastrophe, je pense, pour Strikeforce. Ouais, ça voudrait dire que Strikeforce n'était pas capable d'aller chercher de véritables bons poids lourds, puis pourtant, il y en a quelques-uns. Là. Exactement. Ouais, c'est sûr. D'après moi, il doit rester à 185, puis il y a des noms à 185, il y a des Kong Lee. Bon, je sais pas s'il va continuer à combattre régulièrement, mais Jake Shields en est un. Souza, évidemment. Le problème, c'est que là, 185 livres, il y a également son bon ami et partenaire, Matt Lindland, qui va combattre également à 185. Puis, bon, Dan Anderson peut très bien également combattre à 205 aussi. Ça, c'est la division de poids dans laquelle se trouve Jegar Mousasi. Ouais, et il y a aussi Jeff Monson qui a pas encore signé avec Strikeforce, mais tout pointe vers une signature là, de Monson vers Strikeforce, puis on l'a mentionné aussi pour affronter justement Dan Anderson à 205 livres. Monson a oublié une couple de livres de muscle à quelque part dans un voyage. Oui, parce que lui, c'est une bête, là, un excellent grappleur, mais il me semble qu'il est très, très lourd, même s'il n'est pas grand. Ouais, il a l'air massif, là, mais qui sait, moi, regarde, la première fois que Mark Coleman est descendu à 205 livres, j'avais été extrêmement surpris, alors on sait jamais. Oui, effectivement, il y a peut-être quelques boîtes de pilules qu'il a laissées au Japon, lorsque, non, il n'a jamais vraiment habité au Japon, là, mais lorsqu'il combattait au Japon, effectivement, il affichait une corpulence et une masse musculaire un peu plus, j'irais, relevé. Ouais. Là, Ken, là, il y a... Cette semaine, je pense que qu'est-ce qui m'a plus surpris sur MMAnouvelle.com, c'est que le sujet chaud, on dirait, c'est Marius Podzianowski. Les amateurs ont un million de commentaires sur Marius. Je sais pas si t'as eu la chance d'avoir son combat. Ouais, j'ai vu des... ouais, j'ai vu ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut pas rien dire. C'est pas le genre de combat qu'on peut analyser. Sinon, que Marius Podzianowski, c'est un homme fort. Mais après ça, pas vu grand technique là nécessairement. J'ai vu, quelques minutes d'entraînement. En boxe sur des pads, puis pas vraiment impressionné, là, le gros garçon. Il a pas l'air d'avoir un grand cardio non plus. Je pense pas qu'on va reparler là, longtemps. Là. On va peut-être le voir faire 2-3 combats comme ça, juste pour égayer nos journées sombres d'automne et d'hiver, mais après ça, ce sera bye-bye Podzianowski, puis il ira lever les autobus. Ouais, exactement. Moi non plus, je pense pas qu'il y ait une grande carrière en MMA, mais on sait jamais. On va continuer à regarder ses prochains combats pour voir pour le fun. Si on passait à un autre spécimen de la nature, disons Brock Lesnar, qui devrait revenir au mois de juillet selon les différentes rumeurs, il souffre d'une sigmoïdite. Que je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est des problèmes avec son intestin. Et c'est ça, Lesnar se porte mieux. Selon Greg Nelson et différentes personnes de son entourage, là, sa carrière est peut-être pas compromise. Il va falloir qu'il reprenne ses forces tranquillement, puis on pourrait le revoir vers le mois de juillet. Ah bon, je m'ennuyais tellement de Brock Lesnar. Non, honnêtement, j'ai hâte qu'on puisse le revoir. Ça serait plate qu'il quitte comme ça avec le titre de champion. Je pense qu'il faut qu'il se fasse battre avant qu'il s'efface du monde du MMA. Oui, exactement. Mais ça va être intéressant aussi de voir dans quelles conditions qu'il va revenir après toute cette inactivité-là, puis surtout une maladie. Alors, on verra bien. Oui, je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte qui était atteint de ce malaise-là. Peut-être qu'il a mal digéré quelque chose, Fred. Ouais, et si on passait à un francophone, que je suis jamais sûr si je devrais dire que c'est un Canadien ou un Français. Il est né à Saint-Pierre-et-Miquelon, Dennis Kang. Malheureusement pour lui, il a reçu son 4% de l'UFC. Et Dennis Kang, il va se rechercher un travail à un autre endroit. Ah, OK. Ben, je t'explique, OK? Quand Dennis Kane est sur une série de défaites, c'est un Coréen. Lorsque Dennis Kane est remercié du UFC, c'est un Français. Et puis, lorsque Dennis Kane est en feu puis ça va bien, c'est un Canadien. Ah, OK. Bon, ben, c'est bon. Le Français Dennis Kane est à la recherche d'un emploi en ce moment. Ouais, ben, il va s'en trouver rapidement. C'est un gars solide. Mais bon, malheureusement, il n'est pas assez spectaculaire et peut-être pas assez de haut niveau. Puis c'est une question de timing aussi. Dans le fond, il a sa place avec les UFC, là. Mais les UFC se sont dit, ben on va s'en passer, puis on va avoir Dennis Kane peut-être pour Strike Force, et pourquoi pas. Ouais, son premier combat contre Belcher lui fait mal là, parce que il s'est fait surprendre, personne ne s'attendait à ça. S'il avait remporté cette victoire-là, puis il venait juste de perdre une défaite, il serait encore là sûrement, mais là, avec une fiche de 1 et 2, il y a tellement de poissons dans l'eau, l'UFC passe à d'autres choses. Ouais, ben honnêtement, face à Michael Bisping, il l'a bien touché debout, puis à un certain moment donné, on s'est dit, ben il va gagner, Bisping s'en remettra pas. Mais au sol, on a vu que Bisping a réussi à contrôler quand même les attaques de Dennis Kane, puis c'est là qu'on pensait qu'elle allait être sa force. Alors là, peut-être une petite déception du côté de Dennis Kane. Il n'a pas réussi à gagner le combat important, malheureusement, encore une fois dans son cas. Alors, on va le revoir rapidement et on espère qu'il va pouvoir réussir à un moment donné de gagner le combat qui va vraiment renverser la situation de côté, puis faire en sorte qu'il va devenir un combattant attrayant pour les grosses organisations. Oui, et peut-être en finissant, un mot sur un des sondages là, cette semaine sur MMANouvelle.com, à savoir si le monde voulait revoir Kimbo dans l'UFC. Puis moi, j'ai été grandement surpris là qu'il y ait tellement de monde qui veulent revoir Kimbo dans l'UFC. Oui. Toi? Honnêtement, moi, je veux le revoir, là. Je veux le voir se faire battre avant qu'il quitte le UFC. Pas vrai que Kimbo Slice va quitter le UFC. Non, non. Il faut qu'il y en ait un qui lui batte le derrière comme il le faut. Puis honnêtement, Kimbo, on l'aime. Même quand on le déteste, on aime le détester. Alors, juste sa présence, sa petite barbichette, et ça égaye nos soirées. D'un combat, là, d'ouverture du UFC, il peut être amusant. Puis honnêtement, il va là pour échanger coup pour coup. Il est là pour donner un spectacle, et le UFC va réussir à y placer quelqu'un qui va vouloir échanger avec lui debout, puis qui va lui montrer qu'il a une technique supérieure à Kimbo Slice, puis qui va nous défaire à jamais de Kimbo. Ouais, moi je voudrais que si Dana White et Scott Coker ils croient tellement en Kimbo puis Herschel Walker qui fassent s'affronter puis qui mettent leur promotion en jeu. Le gagnant part avec les deux promotions. Oh, là je sens l'ancien amateur de la WWF en toi. Non, ben c'est parce que des deux côtés, moi je suis pas un amateur de Kimbo et Herschel Walker, bah ben, comme je disais, j'étais content de le voir tout ça, mais je veux pas non plus qu'on me fasse à croire que c'est un grand combattant. Alors je dis ça à la blague que si les deux ils croient tellement en leur cirque, voyons, leur clown de cirque, ben, qui émettent avec quelque chose à l'enjeu. Mais non, moi, j'ai pas plus le goût de revoir Kimbo dans l'UFC, mais en tout cas, on verra bien. J'ai pensé genre à Keith Jardine, selon moi, pourrait battre Kimbo assez facilement. Je sais pas qui d'autre, peut-être Stephen Bonner. On peut en nommer 2000 qui peuvent le battre facilement, là, Kimbo. D'après moi... Non, un gars bien entraîné, n'importe qui est capable de combattre au sol, il va te l'étrangler dans tous les sens, Kimbo. Sauf alors, l'UFC va-tu faire revenir James Thompson ou quoi de même? C'est pour ça que je dis, je sais pas, je trouve pas qu'il y a sa place dans l'UFC, mais en tout cas, on verra bien c'est quoi le prochain combat qu'ils vont y donner. Ouais, ben regarde, honnêtement, moi, hier, j'ai vu Paul Buentello, puis, tu sais, il m'a laissé... pas été épaté, là, pas... Ouais, mais Buentello peut prendre Kimbo assez facilement, et... Oh! Ah ouais, ah ben moi... Ouais, je pense qu'il est supérieur à Kimbo, mais là, facilement. Ce qui est sûr, c'est que ça donnerait un combat spectaculaire. C'est ça, dans le fond, Dans une carte, ça prend regarde, des je vais te comparer deux extrêmes. Mais regarde BJ Penn hier, là, comment il a coupé la cage avec Diego Sanchez. Diego Sanchez se retrouvait dans la cage, il avait plus de place à aller. Kimbo a jamais fait ça avec Houston Alexander. Houston n'a pas combattu non plus, mais Kimbo a pas de talent, je m'excuse. La situation était différente parce qu'au début du combat, c'est Diego qui pourchassait BJ Penn. BJ Penn l'a touché, puis après ça, on a vu Diego craindre les mains de BJ Penn, puis là, il était facilement rejoignable. Et dans le cas de Kimbo face à Houston, Houston s'est sauvé tout le long, là. Effectivement, quelqu'un qui contrôle mieux la cage aurait pu avoir accès à peut-être à Houston plus facilement. Mais en même temps également, quand le gars il sauve aussi, t'es pas pour courir après pour le rattraper, là. Houston Alexander a donné vraiment une performance à la Caleb Starn, je pense, à Montréal, là, qui avait confronté Nate Query. Oh, c'était encore pire. Ouais, c'était d'un ridicule, là. Puis d'ailleurs, je pense que c'est pas encore confirmé, mais Houston, salut. Oui, tu dis ça, là, mais tu sais, la semaine passée, tu m'as demandé comment j'ai donné le round à Houston, là, mais je m'excuse, Kimbo a lancé 4 coups de poing au premier round, a connecté juste 4 fois sur Houston au premier round, justement. C'est les deux. En tout cas, oui, Houston avait un plan de match laid, mais Kimbo avait aucune réponse à ça non plus. Puis, je dirais les deux, je veux plus les voir. Ouais, mais le gars, il est tannant. Comment tu veux le toucher s'il est pas là? Je comprends. En tout cas, on pourrait s'assister longtemps. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas donné le résultat qu'on avait tous espéré. On savait que ça ne serait pas deux techniciens puis que ça donnerait un vrai combat de MMA. Mais on était persuadés, on était sûrs, on était certains qu'il allait avoir échange de coups de poing, puis ça allait se finir en 30 secondes. Mais il ne s'est rien passé de tout ça. Ça a donné un drôle de combat. Mais quand même, la projection de Kimbo Slice, au deuxième, je pense, de toutes les beautés. Il aurait pu lui aller qui est là. Je sais pas si tu te souviens. Souplesse arrière, là, bien exécuté, brutal. Oui, oui, oui, il a connu un bon second round, Kimbo, là. Hey, ça, mais c'est une des belles souplesses qui m'a été donnée de voir, là. Honnêtement, là, il s'en est fallu de peu pour que ce soit la tête à Houston qui reçoit tout le choc. Puis là, ça se peut qu'on l'aurait peut-être pas vu se relever. Ouais, pas de problème. Je vais me préparer à écrire un texte à savoir pourquoi je pense pas que Kimbo a aucune chance dans son prochain combat. Ah non, regarde, je souhaite qu'il se fasse battre, puis il est pas de calibre vraiment à un vrai combattant de MMA qui est capable de l'amener au sol. Après ça, il est dépourvu, c'est pas quoi faire. Mais non, je pense que moi j'aimerais ça le voir contre quelqu'un qui veut échanger debout. Je sais que le Kimbo est en train de descendre à 205 tranquillement. Ben, 205 livres, la plupart des combattants, c'est des excellents lutteurs, c'est des gars vraiment polyvalents. Kimbo aurait pas plus sa place là. Moi, je le vois. Pourquoi pas demeurer avec les gros, avec les lourds? Honnêtement, moi, depuis que Stéphane Vigneault nous a parlé de Jérôme Le Banner, je le vois. J'y trouve... Ça serait un massacre. Ben, c'est ça, c'est le souhait espéré. Bon, mais t'es méchant. On lui en accorde-tu du temps à Kimbo, hein? Incroyable. Honnêtement, le gars, c'est pour ça qu'il est avec le UFC, Fred, parce que... Ouais, c'est ça le pire. C'est ça, non, mais faut pas chercher 10 000 raisons, c'est ça, parce qu'il fait parler de lui. Il y a du monde comme ça, et c'est un peu comme... un gars qu'on a reçu en entrevue un peu plus tôt aujourd'hui, qui va, je vous invite à suivre mma-nouvelle.com pour voir ça, l'entrevue qu'on a fait avec Bruno Auzier, français, qui est au Québec depuis 3 ans et demi, et qui a fait 3 combats en MMA en 2009 pour l'organisation Warrior One. Ils ont tous gagné par KO au premier engagement. C'était vraiment, je pense, c'était un bon moment. On a découvert Bruno Auzier. Pour moi, voyons, je vais te dire, je le connaissais pas vraiment. Et on en a appris un peu plus. Charmant monsieur, drôle de personnage. Et là, il va peut-être se frotter à Tom Murphy, qui est un gars, quand il s'entraîne au Tristar, un gars qui est dévoué pour le sport. Ça sera pas un combat facile pour Bruno Auzier. Si vous écoutez l'entrevue, vous allez vous apercevoir que Bruno Auzier, c'est un gars, je pense, c'est son mental, surtout, c'est sa force. Parce que du côté entraînement, Le gars, il a pas le temps, là. Il s'entraîne pas vraiment. Ces trois combats qu'il a disputés, il est allé un peu comme ça, puis il les a gagnés, mais c'est très surprenant d'entendre les propos de Bruno Auzier. Alors, si vous avez l'occasion, faut pas manquer cette entrevue-là. Oui, c'était très intéressant, puis toutes les entrevues qu'on a depuis une couple de semaines sont super le fun. Un gros merci à tous ceux qui ont participé. Oui, puis j'avais perdu le fil. Le lien que je voulais faire avec Kip Bonslice puis Bruno Auzier, c'est que les deux, là, c'est deux personnes complètement différentes, là. On a parlé à Bruno Auzier, puis le gars a l'air vraiment, tu sais, un monsieur profond, honnêtement, là. C'était vraiment intéressant, cet entretien-là. Mais les deux ont comme un aura autour de lui, de deux. C'est des gens, on sait pas pourquoi, mais ils ont le charisme... naturel. C'est comme ça. Que voulez-vous? Moi, je ne l'ai pas, mais lui, il l'a. Ah, y a-t-il d'autres patins? Y a-t-il d'autres nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas mal tranquille. Le reste, à part que si t'annonces tes débuts, toi, là, je sais pas si tu commences bientôt dans l'UFC ou Strikeforce. Non, c'est pas... Peut-être que je vais faire un retour dans le sport où j'ai eu beaucoup de succès il y a de ça quelques années. Là. J'étais d'ailleurs le premier champion du monde de bagarre d'oreiller. Et peut-être, pendant la période des fêtes... T'as gagné ça contre ta sœur ou... Non, non. Non, ça, c'est vraiment des propos, là. Diffamatoires. Alors, j'ai remporté ça de belle façon. C'était en cinquième année, je pense. Non, attention, là, 5-6 gars du quartier. Puis c'était coup pour coup. Et non, c'était de violentes bagarres. Bon, maintenant, plus sérieux. Petite musique peut-être pour alléger l'atmosphère. On reprend nos esprits. Encore aller me moucher. Bon, on dit je... ça va pas là. Puis ensuite on vous revient. On va vous parler de Strikeforce WEC. Il y a deux événements pour la période des fêtes à laquelle vous allez pouvoir vous régaler. Alors on vous parle de ça dans quelques secondes. Ah, Est-ce que peut-être que votre conjointe ou votre conjoint vous a laissé tomber, peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que votre voiture est au garage puis ça va vous coûter un prix exorbitant pour la faire réparer. Vous pensez que la vie ne mérite pas d'être vécue? Oh, attention! Vous faites erreur, vous ne connaissez pas MMAnouvelle.com ni la voix des guerriers. Ça va vous redonner la joie de vivre parce qu'on aborde les sujets les plus intéressants, c'est-à-dire le MMA, et on vous parle d'un événement qui va se dérouler la semaine prochaine, le 19 décembre, à San Jose, au HP Pavillon de San Jose, bien évidemment, qui est l'amphithéâtre où les Sharks de San Jose, les Joe Thornton, Danny Hintley, les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, se produisent de match en match. Mais cette fois-ci, ce sont les meilleurs combattants au monde, ou parmi les meilleurs combattants au monde, qui vont réchauffer la place le 19 décembre avec Conley en tête face à Scott Smith. Est-ce que ça t'intéresse, toi, ça, Fred? M'a dire que oui, le combat m'intéresse, mais je pense pas que c'est le combat qui m'intéresse le plus de la soirée. Je pense que Gilbert Melendez contre Josh Thompson m'intéresse plus. Avec ça dit, Conley est toujours intéressant à voir debout. C'est juste moi, je suis d'opinion que Conley, c'est pas un combattant de MMA complet. Oui, debout contre un gars qui va rester debout, il a d'excellentes chances, puis il va même sûrement gagner parce qu'il est très fort. Mais s'il se bat contre un gars qui va faire un vrai combat de MMA, je suis pas encore convaincu que Conley fait partie de l'élite. Et surtout pas à 185 livres, parce qu'il me paraît petit aussi pour 185 livres. Effectivement, 5 pieds 10 quand même, mais en 37 ans, peut-être que c'est plus difficile de faire des coupes de poids pour commencer ça. Alors, il combat à peu près à 185, mais moi je l'aime bien, Conley, invaincu en MMA, invaincu en Sanshu, un sport de combat chinois lequel on frappe et on peut le projeter au sol, mais après ça, il n'y a pas de soumission au sol. Mais on a parlé de Thomas Diagne qui s'entraîne sous les ordres de Conley, dans l'école de Conley à San Jose. Et apparemment, il nous a dit que Conley se débrouillait quand même au sol. C'est pas le gars nécessairement à soumettre ses adversaires, mais est difficile à soumettre. Conley, c'est un gars solide qui est fort physiquement. Il a fait de la lutte également. Il a fait du taekwondo. En Sanshu, il était invaincu, comme je le disais précédemment. 17 victoires. En MMA, 6 victoires, tous par KO. Il a battu Frank Shamrock, c'est sa dernière victime, qui est quand même pas un pied de céleri. Alors, Conley, qui a 37 ans, vietnamien d'origine. Bon, 5 pieds 10, effectivement, c'est petit pour les 185 livres, mais c'est un gars avec plein de talent, des coups de pied. Vraiment, moi, ce que j'aime de lui, c'est sa créativité. Il utilise les coups de pied de côté avec sa jambe avant, les coups de pied renversés. Vraiment, il y a une multitude d'outils dans son coffre et puis il s'en sert allègrement. Spectaculaire. 37 ans, moi, j'espère qu'on va pouvoir le voir un peu plus souvent avant qu'il prenne sa retraite définitivement. S'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Alors, c'est des gars solides quand même. Et là, son adversaire, c'est Scott Smith, un gars qui aime échanger debout. Il a une fiche de 16 victoires, 6 défaites. Et également, un no contest. C'était face à Robbie Lawler lors de leur premier affrontement, qui avait été, à mon avis, un des combats de l'année. Après ça, il a fait des combats comme Benji Radach, qui a été, d'après moi, un des combats de l'année. Il l'avait vaincu, Radach. Il a vaincu Terry Martin, a perdu, bon, face à Robbie Lawler. Puis là, il vient de perdre face à Nick Diaz. Mais le gars aime échanger debout. Et ça peut donner, là. Lorsque Scott Smith est là, ça peut toujours donner un des combats les plus spectaculaires de la soirée. Ouais, ben là, je pense que je vais te dire, prends une grande respiration là pour pas t'étouffer avec ce que je vais dire là. Mais d'après moi, Conley a un aussi bon stand-up que Nick Diaz, si c'est pas meilleur. Et alors c'est ça, Scott Smith, je vois pas. Je pense pas que Scott Smith va pouvoir y offrir beaucoup de. D'après moi, Conley va s'en sortir avec une victoire relativement facile. Scott Smith est tough et il pourrait toujours sortir un KO de nulle part. Mais techniquement, Conley est supérieur debout. Et au sol, ben je pense pas que le combat va aller vraiment au sol. À moins que Smith le veuille, mais d'après moi, les deux ont sans avoir un accord, savent que le combat va se dérouler principalement debout. Oui, puis Cognini, je pense qu'il est capable de se débrouiller contre les attaques d'amener au sol. C'est un gars qui a fait de la lutte, un gars qui est fort physiquement. J'ai vu quelques combats de Sancho avec Cognini, ben je dois dire c'est un de mes combattants préférés, moi, Cognini, honnêtement. Puis j'ai vu quelques-unes de ses performances en Sancho. Puis c'est un gars qui était capable de faire d'excellentes projections, là. Spectaculaire autant debout que dans ses techniques de projection. C'est un gars que j'aime bien. Puis moi, j'y vais avec une victoire de Cognini. Toujours aussi spectaculaire dans chacun de ses affrontements. Alors, Conley qui va poursuivre sa route avec une 7e victoire en MMA. Ouais, ben, juste une dernière chose sur Conley. Moi, je pense que pour son futur, c'est des combats dans ce style-là. Parce que il me donne pas l'impression qu'il va dédier comme tout son temps pour le MMA. Alors, ça va toujours être des combats qui ont plus un attrait commercial, je pense, pour lui que un retour vers la ceinture là, que Jake Shields a. Ouais, effectivement. Puis je trouve ça décevant. Moi, j'aurais aimé voir un Conley concentré à 100% en MMA. Je pense qu'il aurait été capable de faire de grandes choses. Maintenant, on est dans les 155 livres. Enfin, le deuxième affrontement entre les deux. On l'attend depuis longtemps. Malheureusement, Thompson avait été blessé souvent. Eh bien là, il est prêt. Et à moins qu'il se passe quelque chose d'inattendu cette semaine, on va l'avoir. Josh Thompson face à Gilbert Melendez. Le champion Thompson, le champion intérimaire Melendez. Qui l'emporte, Fred? Oh, d'après moi, ça va être Melendez, simplement parce que Thompson, après un si long inactivité, tant d'inactivité, moi, je suis sûr qu'on a besoin d'un peu... On a besoin d'un autre combat avant ça, parce que Melendez, c'est un des tops à 155 livres chez Strikeforce, puis quasiment dans le MMA, Melendez est selon moi, aussi fort qu'un Florian, quasiment, ou en tout cas, il est pas loin. Et alors, c'est ça. Et Thompson aussi, mais le problème avec Thompson, c'est qu'il a pas combattu en plus qu'un an, alors il y a les réflexes, le temps de réaction, tout ça. Moi, je vais y aller avec une victoire de Melendez. D'après moi, par décision, parce que Thompson est solide au sol, et ça m'étonnerait qu'il réussisse que Melendez réussisse à le soumettre. Mais d'après moi, Melendez va réussir à contrôler le gros de l'action. Espérons qu'il y ait quand même de l'action, là. J'ai peur que ça soit peut-être un combat de grappling beaucoup. Oh là là, là, ça va être bon ça. Puis Thompson, il n'a pas combattu depuis sa victoire contre Haché Bowman, c'est en 2008. Du côté de Melendez, lui, il a bien fait quand même dans les derniers temps. Il a vengé sa seule autre défaite. Il y avait évidemment celle contre Thompson par décision, mais il avait perdu également face à Michihiro Ishida. Puis là, il vient de régler ça, là, cette défaite-là. Il a sacré une véritable volée à Ishida récemment. Alors là, Thompson va tenter de garder sa fiche presque intacte. Lui qui a deux défaites seulement, dont une contre Eve Edwards. C'était absolument spectaculaire ce chaos que Edwards lui avait infligé au UFC. Et l'autre face à Clay Guida en 2006. Oui, et peut-être juste mentionner, Scott Coker a dit qu'il y avait peut-être possibilité, mais moi je vais le croire quand c'est annoncé, là, parce que Strikeforce font beaucoup d'annonces, que Shinya Aoki affronterait le gagnant au mois de mars. Il me semble au mois de mars ou avril, il a dit que Shinya Aoki rencontrerait le gagnant de ce combat-là. Oh, ben j'attends ça avec impatience. J'adore Shinya Aoki. Son seul problème, c'est ses pantalons très peu virils. Mais je pense qu'il n'aura pas le droit de porter ce genre de vêtements-là ici en Amérique. C'est inacceptable. Ouais, exactement. Il lui donne pas le droit. Je sais pas si t'as de l'intérêt, toi, vers le combat de King Mo. Tu connais King Mo? King Mo, Mohamed Lawal, 28 ans, un excellent lutteur de Division 1. Un gars avec une lutte vraiment là de niveau classe mondiale. Il a 5 combats, dont 4 KO. Il a battu Marker récemment. Mais Marker, d'après moi, le gars, il est fini depuis tellement longtemps. Là. N'importe qui rentre dans une cage avec Marker est assuré de sortir avec la victoire ou presque. Il a battu Travis Roof, qui lui a beaucoup d'expérience. Mais là, il est opposé à un gars relativement assez solide, Mike Whitehead, qui a 24 victoires et 7 défaites, et il vient de battre Kevin Randleman, puis à ses 16 derniers combats, il a seulement qu'une défaite, je pense, et c'était face à Renato Babalu Sobral. Ouais, ben tu vois, on parlait tantôt de Bobby Lashley, puis je te dirais que King Mo, tu vois, c'est un bon adversaire qu'ils ont trouvé pour lui, là, c'est une bonne progression, Puis c'est justement ça, Lashley, il a besoin d'un gars, là, pas un top, mais un gars qui a un nom quand même. Et Mike Whitehead, à 205 livres, il a un peu un nom. Et à vrai dire, le combat va avoir lieu à poids lourd, ce combat-là. Il a été annoncé il y a une journée ou deux. Il me semble que c'est King Mo qui avait fait la demande que ce soit à poids lourd, et après ça, il va combattre à 205. Mais c'est ça, au moins, c'est un bon adversaire pour King Mo. Et moi, je pense que King Mo va s'en sortir avec une victoire. On voit beaucoup de potentiel en lui. C'est un excellent athlète, ça, c'est officiel. Ouais. Moi, là, je te parle d'un que j'aime également beaucoup. Ronaldo Souza, qui s'entraîne avec la Black House. Ça, c'est Anderson Silva, les frères Nogueira, le Lyoto Machida. Mesure 6 pieds, il a 30 ans. Puis le gars est solide. Jujutsu, là, brésilien, impeccable. Parmi les meilleurs au monde. À mon souvenir, là, je me souviens plus de la date exacte, mais je pense qu'il avait remporté un championnat de Jujutsu mondial, et même s'il s'était fait casser le bras, il avait poursuivi pour remporter, ou quelque chose comme ça. Le gars, c'est un solide, et là, le Brésilien Souza va être opposé à Matt Lindland, qui, dans son dernier combat, avait mangé une véritable volée face à Vitor Belfort. Puis honnêtement, c'est un combat que j'attends avec impatience, et c'est également ce combat-là où j'ai demandé à Gisèle qui va remporter le combat, et elle m'a conforté avec l'idée que j'avais déjà de base, et oui, je vous l'affirme, c'est Ronaldo Souza qui va remporter le combat, c'est garanti. Gisèle, approuvé, 3 copies, comme elle nous avait dit pour Matt Hamill, et également... cette semaine, elle nous avait également dévoilé que Stéphane Dutrouve l'avait emporté. Tout le monde est un peu surpris de ça, mais Gisèle a toujours raison, ou presque. Et là, cette fois-ci, c'est Ronaldo Souza qui va avoir l'avantage sur l'Américain Matt Lindland. Ouais, je pense que je suis d'accord, moi aussi. Matt Lindland, c'est surtout que ça fait un bout qu'on l'a pas vu. Et je me demande... je suis intéressé de voir si Matt Lindland va être encore en bonne forme, tout ça. C'est un gars qui, à le regarder, a peut-être pas le physique le plus en forme, mais normalement a un bon cardio et tout. Mais ça fait un certain temps qu'il n'a pas rentré dans la cage ou dans le ring. Alors, Matt Lindland, on va voir le vétéran. Moi, je pense aussi que Souza va sortir gagnant de ce combat-là. Oui, ça fait pas si... Ben, ça fait depuis début 2009, lorsqu'il avait perdu contre Vitor Belfort. Honnêtement, je pensais pas qu'on le reverrait si tôt, moi, Matt Lindland, lorsque je l'ai vu écrapouti, puis quand il s'est relevé, là... Honnêtement, ça avait l'air, il y a une dizaine d'années, là, dans les médias, on voyait ça, la maladie de la vache folle, là. Puis Matt Lindland, lorsqu'il s'est relevé, ça ressemblait à ça, là. Ça tremblait de tout partout. Moi, je pensais que sa carrière était terminée, lui qui est âgé de 39 ans. Mais le gars, il est solide, c'est un compétiteur, il a gagné une médaille aux Olympiques en lutte, un gars de gréco-romaine, un gars de haut calibre, avait gagné une médaille d'argent. Une belle fiche, 21 victoires, 6 défaites. A été soumis, je pense, à 2 reprises, si je me trompe pas, en carrière. Rappelez-vous, face à Murilo Bustamante, guillotine, et évidemment face à Fedor Emelianenko, par clé de bras. Mais là, il va affronter un autre gars très solide au sol, qui est Ronaldo Souza. Ça risque d'être un bon combat. Ouais, puis je pense qu'on n'a juste pas parlé du combat à date de Robbie Lawler contre Trevor Pragley. Oui, effectivement, il nous reste Robbie et Trevor. Parlons-en, Robbie Lawler, longtemps qu'il s'entraînait avec Pat Miletich. Et lorsque Matthews a quitté le clan Miletich, ben Robbie Lawler l'a suivi. Puis à deux, ils ont formé le Hit Squad, le Hughes Intensity Team, je pense. En tout cas, c'est l'équipe à Matthews. Il a 27 ans, Robbie Lawler. Je pensais qu'il était plus vieux que ça. Le gars, il a commencé très jeune. 18 victoires, 5 défaites. Une force de frappe percutante. 15 de ses 18 victoires par KO. Il a perdu son dernier combat assez rapidement. Jake Shields lui avait resserré la gorge avec une guillotine. Puis Robbie Lawler avait pas eu le choix. Il avait tapé. Et là, il affronte un gars... qu'on connaît, mais pas plus que ça, un gars pas très spectaculaire, qui s'appelle Trevor Pragley, un gars de l'Afrique du Sud, il a 37 ans, un vétéran, 22 victoires pour 5 défaites, il a perdu une fois par KO, si je vois, c'était face à Georgie Santiago, alors le gars est capable d'absorber des coups, apparemment, et il a gagné ses 5 derniers combats contre... des combattants corrects, là, dont Anthony Ruiz, lui qui a vaincu Xavi Foupa-Pocam il y a quelques jours. Et dans le UFC, on l'a vu à 4 reprises, Trevor Pragley, 2 victoires, 2 défaites. Ça ressemble pas mal à Trevor Bagley, ça, 2-2. Tu sais, ni chaud ni froid, un gars un bon combattant, pas spectaculaire, un gars un peu fade. Oui, c'est le genre de combattant que Lawler doit battre. Lawler, il a à peu près un an et demi, on le considérait quasiment dans les meilleurs à 185 livres. Il était pas dans l'UFC, mais il y avait une bonne séquence. Et là, avec Elite Taxi, ou ce qui était avant, qui a eu longtemps d'inactivité, puis après ça, il a perdu son combat contre Jake Shields. Il a perdu un peu de vapeur, si on veut, Robbie Lawler. De son lustre. Exactement. Alors, des fois, les décisions de carrière, là, ça peut être important. Aller dans la mauvaise promotion, ça peut ralentir. Comme tu dis, il a juste 27 ans. C'est un bon combattant que moi, j'aime bien regarder. Je me rappelle de ses combats dans l'UFC et tout. Alors, je prédis une victoire de Robbie Lawler par KO. Ouais, ben moi aussi, je vais avec Robbie Lawler par décision. Juste pour dire comme toi, dans le fond. Hein. M'en fous pas mal. Il va gagner. Et on est-tu heureux pour lui. Hein? Rapidement, les autres combats, non, je vous en parle pas parce qu'on s'en fout. Je vais vous parler peut-être juste d'un autre affrontement dans cette carte-là. C'est Daisuke Nakamura, lui qui a battu Ferid Kader pour la promotion M1 Global. Ben, il va être là, lui, pour Strikeforce. Alors, tu sais, ça aurait pu être Ferid Kader si Kader aurait remporté cette décision-là face à Nakamura. Lorsqu'on vous parlait de Ferid Kader, qu'on disait que c'est un gars solide, c'est la preuve. Mais c'est Nakamura qui va s'y retrouver cette fois-ci. Il a 20 victoires et 11 défaites et 12 de ses 20 victoires par soumission. Et j'ai fait un petit calcul, là. Et si j'ai pas mal calculé, là, j'ai sorti ma calculatrice, puis je pense qu'il y avait plus de 10 de ces soumissions qui c'était les clés de bras. Attention, là, son opposant, Brian Travers, là, accroche-toi le bras serré, parce que ça se peut que Nakamura parte avec, mais Travers, quand même, a une fiche de 13 victoires et une défaite. Alors ça, c'était pour le Strike Force qui a lieu le 19 décembre au HP Pavillon à San Jose. Puis on vous fera une émission spéciale comme on le fait pour les gros événements. Je pense que le Strike Force mérite ça. Puis je regarde ça, là, ces combats-là. Puis non, je me dis, si j'avais à mourir, là, je repousserais ça au moins jusqu'au 20 décembre. Puis même ça un peu plus loin parce que le 31 décembre, il y a un bel événement au Japon aussi. Puis après ça, le 2, non, en fin de compte, vous êtes mieux pour mourir cette année. Alors, par la suite, WEC 45e événement. On est toujours le 19 décembre et cette fois-ci, on se transporte à Las Vegas, Nevada. Et on va vous parler de quelques-uns des combats qui sont sur cette carte-là. Dans la catégorie des 155 livres, il y a Donald Cerrone qui s'entraîne avec Greg Jackson, Nouveau-Mexique. Il a 26 ans, 10 victoires et 2 défaites avec 9 de ses 10 victoires par soumission. Et ces deux défaites, c'était par décision. Et les deux combats, ces deux défaites, c'était des combats de 5 rounds où il avait livré des guerres face à Jamie Varner et Ben Anderson. Mais dans le fond, face à Jamie Varner, ça avait pas, on n'avait pas complété le combat parce que Varner était blessé. Puis on avait donné une décision technique, si je me trompe pas. Les deux étaient blessés, Varner et Anderson s'en sont ressortis blessés. Donald Cerrone a perdu, mais lui il est top shape et il est prêt déjà à affronter Ed Radcliffe qui lui a 26 ans, 7 victoires et 1 défaite. Ouais, ben Cerrone, cette semaine l'affaire la plus intéressante, je pense, c'est qu'il a annoncé qu'il va descendre à 145 livres. Et Cerrone, comme tu as dit, c'est un bon combattant, il a offert deux bonnes guerres dans ses combats de championnat. Il a un bon jiu-jitsu, il est agile, flexible, il a quand même un bon Muay Thai. Alors, Cerrone, s'il s'en sort avec une victoire là, contre Radcliffe, que je connais pas plus que ça, je peux pas vraiment dire grand-chose, s'il peut s'en sortir avec une victoire impressionnante, il peut peut-être se mériter tout de suite une chance face à Jose Aldo. Il y a aussi Aurelia Faber qui est dans le portrait, là, mais en tout cas, c'est la WSC a du beau talent à offrir, c'est juste un peu de valeur qu'ils ne reçoivent pas plus de visibilité. Ouais, ils ont peut-être une meilleure plateforme comme la jonction avec le UFC, ce serait les combattants gagneraient au change. Et on en a parlé déjà à quelques reprises, peut-être que ça se fera dans la prochaine année. Maintenant, toujours dans la catégorie des 155 livres, on a Anthony Joquati. C'est pas un japonais, c'est un américain, je pense, d'origine africaine. Je me souviens plus dans quel pays. 11 victoires, 2 défaites. Il a 6 de ses 11 victoires par KO. Et Monsieur l'homme nouvelle, Fred Garcia, a mis des vidéos de lui sur MMANouvelle.com, si je ne me trompe pas. Puis on voit quand même Joquati assez spectaculaire. Il a 2 défaites, comme je vous l'ai dit. Il avait été soumis par Donald Cerrone et Ben Anderson. Et là, il s'en prend à Chris Oroneki, le Canadien de 22 ans seulement. Chris Oroneki qui s'entraîne avec Sean Tompkins depuis belle lurette. Donc, les Mark de Machine, Dominic, Sam Stout, ces gars-là. Oroneki avait fait la pluie et le beau temps à la IFL jusqu'à temps qu'il perde le combat face à Ryan... Je pense que c'était Ryan Schultz de mémoire. Mais je peux me tromper. À tous les cas, le gars il a beaucoup de talent. Roneki, 13 victoires, 1 défaite, a été blessé récemment. Et s'il l'a empêché de le tenir vraiment actif. Mais là, on va le revoir. Et c'est un gars de haut calibre. Et face à Joquati également, qui aime échanger debout sur ce qu'on peut voir dans le vidéo. Là, il y a des bonnes aptitudes. Ça peut donner un combat qui va donner des flamèches. Oui, ça risque d'être le combat de la soirée. Malheureusement, avec la WEC, ça va juste être un bonus de genre 3 000 au lieu de 65 000 comme l'UFC. Mais ça comme tu dis, ça devrait être des flamèches. D'après moi, il y en a un des deux qui va tomber. Oroneki, ça fait un petit bout. On l'a pas revu hein, depuis qu'il y avait son combat. C'était pour Affliction. Il y avait un combat, il me semble, qui a été annulé, tu disais, c'est ça? Ouais, c'est-tu Mark Dominic, ça, qui avait un combat pour Affliction, qui avait... Ah, peut-être, je me trompe, ouais. Ou peut-être que c'était les deux, mais Oroneki, c'est vrai, on l'a pas vu beaucoup. Je pense qu'il a livré un combat au Japon, si je me trompe pas, mais c'était pas en règle de MMA. Ça, c'était peut-être à 2009, là, début 2009, c'est un peu vaporeux, là, dans mes souvenirs. Mais c'est vrai, là, le gars était très actif en début de carrière, il a 22 ans. Et là, c'est le temps qu'il replonge dedans puis qu'on le voit à l'œuvre plus régulièrement. Ouais, exactement. Puis c'est dans un style de combat que les amateurs vont aimer. Alors, c'est excellent. Les deux autres combats présentés à TV, je les ai plus en tête. T'es as-tu devant toi? Oui, Joseph, oui. Benavidez, il a 25 ans, 10 victoires, 1 défaite, mais cette défaite, il l'a subi à son dernier combat face à Dominic Cruz. Et là, il va s'en prendre à une machine à soumission, l'incroyable Rani Yaya. Il a remporté ses 3 derniers combats par soumission, puis il avait récolté la soumission de la soirée dans les événements de la WEC. Rani Yaya avait soumis Yoshiro Maeda, A.D. Wineland, Josh Osmond, et là on est dans la catégorie bantamweight, on est dans les poids lourds là. ouais, c'est ça. S'entraîne avec au même endroit, je pense, que Diego Sanchez avec Sandy Ribeiro. Alors c'est un gars au sol là, incroyable, imaginez-vous ça, 14 de ses 15 victoires suite à des soumissions. Ses 3 derniers combats ont remporté la soumission de la soirée. Alors Rani Yaya, il va peut-être tordre Joseph Benavidez, je sais pas de quelle manière, mais il y a une clé là apparente. Là. Il va avoir une soumission. Ben, tu vois, moi, tu sais que j'écoute pas mal la WEC, puis Joseph Benavidez, à son dernier combat, il a perdu contre Dominic Cruz. Dominic Cruz va se retrouver à affronter le champion Brian Bowles au mois de mars. Et moi, à ce moment-là, je pensais que Benavidez allait remporter contre Cruz parce que Benavidez est un excellent athlète. Là, tu vas voir, si jamais tu as une chance de voir ce combat-là, le gars il mesure juste 5 pieds 5, je pense, et même peut-être plus petit que ça, mais il est fait comme un rocher, il est fait fort, et c'est un gars qui a beaucoup d'énergie. Et Rani Yaya. Yes. c'est ça. Ben lui, je me rappelle plus ou moins, je me rappelle d'une couple de ses combats, là, mais j'ai moins de souvenirs de lui en tête. Alors, j'ai hâte de voir ce combat-là. Ça devrait vraiment être excellent. Benavidez s'entraîne avec Uriah Faber aussi. Alors, ça devrait être très bon. Ouais, ben honnêtement, je ne suis pas assez la WEC. Ça me manque, ça, ma culture de MMA. La WEC, j'ai pas vu assez de combats. Maintenant, bon, finalement, je vais vous parler de Takeya Mizugaki. Je vous parle de lui parce que ça me tentait de prononcer son nom. Il a 12 victoires, 3 défaites, 2 combats nuls. Il affronte Scott Jorgensen, qui a 7 victoires et 3 défaites. Ça ressemble à ça, là, pour la WEC. Pour le reste, on vous invite à quoi? Je sais pas. À aller faire des paris sur MMANouvelle.com. Les paris virtuels, je me rends compte là que je pense que je suis en train de créer plusieurs monstres. Ken, je sais pas si tu vas partir un groupe bientôt là. On dirait qu'il y en a une couple là, qui commence à aimer ça là. Je suis content que ça soit juste des crédits virtuels. Non, c'est plaisant, c'est plaisant, c'est plaisant. Puis maudit que je suis bon, je me maintiens dans le top 10 là. Quelle machine incroyable! Mais là, il y en a un nouveau meneur. Et on voit quand même, c'est très instable. Hein? C'est jamais les mêmes qui sont en tête. Et là, on a passé le flambeau à un gars... Alligator, ouais. Un gars ou une femme. On espère qu'il y a des dames qui nous écoutent. On le souhaite ardemment. Alors, vraiment, l'émission est ouverte aux dames, aux hommes, aux hybrides, à n'importe quoi. Là, le but, si vous aimez le MMA, on est là pour vous. Puis on souhaite que vous ayez du plaisir à nous écouter. Vous avez des suggestions, des commentaires, des plaintes, des lamentations. Vous aimez pas ce qu'on fait, vous aimez ce qu'on fait. Vous voulez vous exprimer sur un sujet qu'on a abordé ou sur un sujet où que vous auriez aimé qu'on aborde. Puis malencontreusement, on l'a pas encore fait. Bien, transmettez-nous ça par les commentaires ou sur radio@commercialmmanouvelle.com. C'est toujours actif, ça, Fred? Oui, toujours. Je dis ça tout le temps, mais j'ai aucune idée. N'hésitez pas. Vos commentaires, vraiment, là, nous, on prend ça à cœur. C'est sûr qu'on les lit. Puis la plupart du temps, on essaye de mettre ça en application puis de s'améliorer avec ça. Ça se termine là-dessus, je pense, Fred. Sinon, vous dire que la semaine prochaine, on aura les résultats des événements dont on va vous parler. Fred, l'homme nouvelle, Garcia, évidemment, va nous mentionner toutes les nouvelles qui ont eu lieu durant la semaine qui va s'être déroulée. On aura des événements à vous parler qui auront lieu au Japon. Ben, un événement, le 31 décembre. Parce que lorsqu'on va vous parler, on va être le 20. Ouais, on va probablement vous parler de ça, du l'événement Dynamite qui aura lieu le 31 décembre au Japon avec les deux médaillés d'or en judo qui vont s'affronter pour passer le flambeau de Hideko Yoshida jusqu'à Satoshi Ishii. Ça va être une carte prometteuse et on va peut-être voir si Jérôme Le Banner sera confirmé sur cette carte-là. Ah, j'ai plus de voix. J'espère que la voix a pas été trop désagréable aujourd'hui. Sinon, on s'en excuse. On vous invite à suivre nos entrevues, La Voix des Guerriers, sur MMANouvelle.com. Vous tenez informé sur MMANouvelle.com. Et Paris Virtuel également. Manquez pas ça. Il y a des beaux combats à laquelle vous pourriez miser quelques crédits virtuels. Là-dessus, Fred, évidemment, tout le monde veut savoir si on a Tommy Boy Garcia, vainqueur de tournoi de judo hier. Ah, il a fini en troisième place, mais il a combattu avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, et je suis très fier de lui. Oui. On pourrait vous dire l'important c'est la participation, mais non, l'important c'est d'essayer de gagner et de gagner, mais quand on gagne pas, évidemment, la participation est de mise et de faire le mieux que vous pouvez, et si vous n'essayez pas, ben vous allez rien faire dans le fond. Félicitations à Tommy Boy qui, à l'instar de son père, ne manque pas de courage. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bon, merci tout le monde, passez une belle semaine.